je vais faire, il va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors simplement pour ceux qui n'étaient pas là la fois précédente où j'ai apporté le premier sujet, c'était les obstacles au changement. Pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé des obstacles au changement, ce qui nous empêchait de changer, ce qui nous empêchait d'entrer pleinement dans les choses nouvelles que Dieu voulait faire. Et la première chose, c'était le conformisme ou le traditionnalisme. C'est quoi ? C'est « on a toujours fait comme ça ». Il n'y a pas de raison que ça change, on a toujours fait comme ça. Ça, c'est le conformisme ou le traditionnalisme. Et puis, on avait vu aussi un deuxième obstacle au changement, c'est l'esprit religieux ou la religiosité. Et ça, on était encouragé à éviter de barbouiller notre extérieur d'un vernis religieux en cherchant à masquer les choses. Et ça, c'est l'esprit religieux. Et Dieu nous appelle à être vrai, à être sincère. Comme il disait tout à l'heure, Nicolas, si tu es venu et que ça ne va pas, ben ça ne va pas. On n'a pas besoin de mettre quelque chose sur nos vies. Si ça ne va pas, ça ne va pas. De toute façon, Dieu est au courant. Dieu le sait. Donc pourquoi masquer les choses? Pourquoi cacher les choses? Mais c'est justement en étant vrai et sincère que Dieu peut agir dans nos vies. Et puis la troisième chose qu'on avait vue, c'était la peur de l'inconnu. Et c'était un encouragement à oser entrer dans l'illimité de Dieu en comptant plus et en ne comptant plus justement sur nos limites et en acceptant le changement que lui veut opérer en nous et à travers nous. Alors aujourd'hui, on va passer de l'improbable au miracle. Et je voudrais vraiment, simplement, avant d'aller plus loin, qu'on puisse ouvrir nos cœurs, encore une fois, on l'a ouvert pendant la louange, mais je voudrais qu'on puisse encore ouvrir, que l'espace de nos cœurs puisse être élargi encore. Et vraiment, je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux juste un instant, puis je vais prier pour que vraiment le Saint-Esprit puisse venir déposer sur chacune de nos vies quelque chose de spécial, quelque chose de fort, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Alors Saint-Esprit, on t'invite maintenant, on te prie de vraiment vivifier nos âmes, vraiment de déposer en nous les choses qui sont nouvelles, de nous libérer, de nous affranchir, Seigneur, et de nous conduire dans la vérité. On te prie de nous libérer de nos propres barrières, des choses qu'on a établies nous-mêmes et qui t'empêchent d'agir pleinement. Seigneur, notre désir, c'est d'aller plus loin avec toi. Alors Seigneur, ce matin, je te prie de conduire, Seigneur, les uns et les autres, de nous conduire, de me conduire, Seigneur, à aller plus loin avec toi et à vivre une chose nouvelle. Amen. Amen. Les choses nouvelles que Dieu veut faire sont toujours et seront toujours scripturaires. Ça ne sera jamais en dehors de la parole. Nos expériences ne nous emmèneront jamais à vivre des choses qui ne seraient pas bibliques. Et c'est pour ça que c'est important de connaître la Bible afin d'éviter toutes les dérives. Il y a eu des dérives, il y a eu des choses qui se sont faites ailleurs dans certains pays, même en France, mais on ne veut pas vivre, et on ne veut même pas vivre un réveil comme il y a pu avoir il y a des dizaines d'années à Azusa Street. On veut vivre un réveil ici. Amen. On veut vivre un réveil ici à Béziers. On veut vivre un réveil ici à Montpellier, pour ceux qui habitent Montpellier. On veut vivre un réveil dans notre région. Et c'est un réveil qui est fait sur mesure par Dieu. Amen. Ce n'est pas un modèle, on ne va pas copier quelque chose, on ne va pas importer quelque chose ici en France de ce qui existe ailleurs, mais c'est ici même avec nous. Amen. Et Dieu veut le faire avec nous. Alors, la première chose que Dieu fait, c'est une chose nouvelle dans le désert. Wow. Bizarre ça. Mais en fait, dans chacun de nos déserts, et on passe tous des déserts dans nos vies, déserts spirituels, toutes sortes de déserts, après le désert, il y a toujours la terre promise. Peut-être en ce moment, toi, tu marches dans le désert. Et quand on est dans le désert, on n'a aucun repère. On ne sait pas trop où on est garé, hein, comme on dit. On sait pas, on n'a aucun point de repère, on n'a aucun point où on peut fixer notre attention. Et ce désert-là, et c'est ce que dit Jésus, il dit, ce que dit la parole, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Un des points qui est le plus grand frein à l'immensité de son action, c'est l'incrédulité. L'incrédulité de nos cœurs, c'est le plus grand frein. Et on a naturellement en nous, malheureusement, des doses d'incrédulité mais et souvent, malheureusement, en tant qu'être humain, on rationalise, on essaye de comprendre, on essaye de mesurer, on essaye de peser, de démontrer le pourquoi du comment. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit français. On est cartésien, on veut comprendre, on veut savoir pourquoi. Mais simplement, je voudrais vous encourager ce matin, mais on n'est plus français. Notre culture n'a plus à être une culture française. Notre culture, elle est celle du royaume. Amen. Je suis plus citoyen, je ne suis même plus un Mésois, mais je suis citoyen du ciel. Amen. Ma culture, mes valeurs, ce que je dois apprendre et ce que je dois retranscrire et retransmettre sur la terre, ce n'est pas mon héritage familial, mais c'est l'héritage de mon père. Amen. Et c'est ça que je dois transmettre. C'est ça qui va amener quelque chose de nouveau dans ma vie. Et je crois qu'on a vraiment besoin, et à chaque moment et régulièrement, on a besoin de revenir et dire et de confesser l'état de nos cœurs qui, bien trop souvent, sont incrédules. Bien trop souvent, il y a de l'incrédulité. Vous savez, l'incrédulité, ça tue la foi. Ça tue la perspective de Dieu. La Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc si je suis incrédule, je suis désagréable à Dieu. Je déplais à Dieu. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de plaire à Dieu. Et le meilleur moyen de plaire à Dieu, c'est vraiment d'être pleinement dans la foi. Un chemin dans le désert. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça, comment ça peut être possible. Combien sont déjà allés dans un désert? Combien ont déjà marché dans un désert? Combien se sont rendus compte que c'est juste dingue? Alors, il y a plusieurs sortes de déserts. Quand on est à Las Vegas, le désert est différent de lorsqu'on est au Maroc ou en Tunisie. C'est complètement différent. Ou quand on est en Égypte, c'est encore un autre désert. Mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est que dans le désert, on n'a pas envie d'y rester, surtout quand il fait chaud. Surtout quand il fait chaud. Il y a des dangers dans le désert. Avec Solange, on était à Las Vegas, puis à un moment, on est allé visiter, Valley of Fire, je crois, ou l'autre désert, je ne sais plus lequel c'est. C'était lequel? Red Rock Canyon. Et il disait que le pire, oui, bien sûr, c'était en été. Et que s'il se mettait à pleuvoir, eh ben, il fallait courir très, très, très, très vite, parce que c'était extrêmement dangereux. Et il y a plein de choses comme ça, et souvent, malheureusement, dans nos déserts, on se retrouve dans notre désert, et puis il y a des choses, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, et pourtant, Dieu veut faire quelque chose là où on ne maîtrise rien. Et c'est souvent là que Dieu fait les choses, c'est là où on ne maîtrise plus rien. Le désir de Dieu, c'est de s'emparer de nos vies, et que nous soyons captifs, réellement. Captif non plus à notre ancienne vie, mais captif à Christ, captif. C'est pour ça que même Paul dit que nous amenions toute pensée captive à la pensée de Christ. Et je crois que ça aussi, c'est une discipline que nous pouvons avoir, c'est amener nos propres pensées captives à la pensée de Christ. Vous savez, très rapidement, nos pensées, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais vous êtes en train de prier, et puis d'un coup, alors que vous êtes en train de prier, vous êtes bien, d'un coup vous retrouvez quelque part dans un endroit spirituellement où ça n'a plus rien à voir avec ce que vous étiez en train de prier. Vous retrouvez à penser à acheter une voiture, mais ça n'a plus rien à voir. Et vous êtes littéralement égaré. Et ça aussi c'est comme un désert. Et malheureusement l'ennemi parfois nous place dans des déserts. Le chemin dans le désert, il n'y a pas de repère possible, il n'y a aucune ressource qui est exploitable. Il n'y a rien qui est propice à la vie, tout est stérile. Et on se retrouve dans des conditions qui sont hostiles à la vie, qui sont hostiles, extrêmes. Ça peut être une extrême chaleur, mais la nuit, le désert, c'est extrêmement froid. Donc il y a des amplitudes. Et c'est ce que nous pouvons vivre dans nos vies spirituelles. Parfois, c'est une amplitude spirituelle où un coup, je peux être là, puis un coup, je peux être là. Et l'essentiel, c'est vraiment de retrouver et de laisser le Seigneur tracer, c'est « je mettrai un chemin dans le désert ». Et bien souvent, nous, on essaye de tracer nos propres chemins, alors que c'est lui qui veut mettre le chemin dans notre désert. Un coup de vent dans le désert, et puis tout s'efface. Dieu utilise des moyens extrêmes pour nous parler. Vous savez que Dieu déploie des choses phénoménales, hein, pour chacun d'entre nous. Quand il veut nous parler, Il nous parle de manière parfois très douce, mais parfois il provoque des choses qui sont extrêmes. Et on voit dans Osée chapitre 2 et verset 16, Et souvent, on pourrait penser que bah, le désert, c'est aussi c'est juste un endroit où l'ennemi veut nous maintenir, mais pas forcément. Parfois, c'est Dieu lui-même qui nous conduit au désert. Et il est dit, on va voir ces trois mots qui sont très très forts, Osée 2, 16, il est dit « Je vais donc la reconquérir », il y a le texte, « Je vais donc la reconquérir ou la reséduire et la reconduire au désert et je retrouverai sa confiance. » Quelque chose là dans Osée, et Osée est en train de dire, il y a quelque chose qui a été brisé entre Dieu et son peuple, et la petite particule, la « re » montre qu'il y a une vie avec Dieu là où il n'y avait plus de vie. Et ça, c'est vraiment, et c'est ce que j'aime dans l'amour du Père. C'est que là, dans le désert où tu te trouves, là, dans les moments sombres de ta vie, là où tu te dis, mais c'est fini, c'est perdu, il n'y a plus d'espoir, Dieu vient et il redonne espoir. Il redonne un souffle nouveau. Il fait quelque chose de nouveau. Il fait une chose nouvelle. Et Dieu ne s'est pas aigri. Il aurait pu dire, mais quel peuple, mais ce n'est pas possible. Mais non, il a pas baissé les bras. Il a dit non, je vais la reconquérir. Waouh ! Mais quel Dieu extraordinaire ! C'est un Dieu de conquête. Et quand on lit l'Ancien Testament, on voit que Dieu est vraiment un Dieu de conquête. Hein ? Quand il y a eu la prise de Jéricho, c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Il y a une conquête. Et parfois, nos cœurs, nos vies sont comme des forteresses. Il y a comme des Jéricho qui ont entouré nos vies. Je parlais récemment avec une personne pendant la conférence à Paris. Et cette personne-là, ça faisait plusieurs fois que je la voyais. Je l'avais vue à Montpellier, je l'avais vue à Nice à la conférence. Puis là, cette femme-là habite dans le sud, puis elle était montée à Paris. Et puis, toujours là, comme ça, renfrognée, et puis toujours à faire la tête. Puis moi, je la voyais, puis j'étais triste pour elle. Je me disais, mais pourquoi cette femme, elle n'est pas joyeuse? Pourquoi elle a quelque chose qui... Et puis, je suis allé à son contact, qui n'était pas forcément... on n'a pas forcément envie, hein. Vous savez, quand les gens sont comme ça, on n'a pas envie, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie, ça ne me fait pas forcément envie. Mais j'y suis allé, poussé vraiment par Dieu, puis j'ai dû passer une heure avec elle pendant qu'il se passait des choses dans la salle. Moi, j'étais là à vraiment parler avec elle, échanger. Et puis Dieu m'a montré des pans de sa vie, des choses sur sa vie. Et puis je lui dis, mais vous vous êtes élevé une forteresse, une muraille. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et elle dit, oui, c'est ça, c'est exactement ça, je me protège. Et malheureusement, parfois, vous savez, on bâtit des tours. Alors que il faut que ça soit Dieu qui la bâtisse. Il faut que ça soit Dieu notre tour. Il y a un psaume où il est dit, tu es une tour forte pour moi, tu es une forteresse, tu es ma forteresse, mon Dieu, ma forteresse. Mais malheureusement, nos pensées parfois, c'est nous qui construisons nos propres forteresses. Et on a besoin vraiment de se laisser reconquérir, on a besoin de se laisser reséduire par Dieu. C'est exactement ce que Dieu va dire dans une église, dans l'Apocalypse, où il est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais Dieu ne veut pas nous abandonner. Il ne veut pas nous maintenir dans cet éloignement que nous-mêmes nous avons fait. Nous nous sommes éloignés nous-mêmes de lui. Mais le désir et le cœur du Père, c'est de nous reséduire. Vous savez, c'est fort, hein, quand même un des passages de la Bible où il est dit « aspirer aux dons spirituels », c'est désirer les dons spirituels, c'est vraiment, il y a un côté de convoitise, c'est avoir vraiment cette envie, ce désir fort d'être connecté avec Dieu. Mais est-ce que nous, dans nos cœurs, est-ce que vous avez envie de vous laisser reconquérir, reséduire par Dieu ? Parce que Dieu nous séduit, hein, c'est un amour. Quand on vient à lui, c'est pas parce qu'on a peur de ci ou de ça. On vient parce qu'on a été touché par son amour, on a été impacté par son amour. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin, peut-être régulièrement, que le Père vienne et puis puisse vraiment reconquérir notre cœur, nous reconduire au désert. Ça, c'est peut-être qu'on n'a pas trop envie d'y aller, hein, tout simplement, au désert. Et puis, pour qu'il puisse retrouver aussi, je retrouverai sa confiance. Son amour et l'amour de Dieu le pousse toujours à faire une chose nouvelle. Dieu veut faire une chose nouvelle avec vous, un recommencement, une renaissance, une résurrection, reconquérir. Et même si tu n'as pas appartenu à Dieu autrefois, que tu es peut-être, tu as lâché sa main, le désir de Dieu, c'est de rétablir la connexion. Dieu veut rétablir la connexion avec toi. La connexion a été peut-être brisée, peut-être tu n'as plus de connexion même avec Dieu. Peut-être que quand tu pries, ou même peut-être tu ne pries plus. Mais Dieu veut rétablir ça. Parce que ça, c'est le moyen que Dieu a trouvé. Et c'est le désir de Dieu que nous puissions échanger. De la même manière que Moïse échangeait avec Dieu, Dieu, et ce que Moïse a vécu, nous pouvons le vivre, et nous pouvons même le vivre plus intensément que Moïse. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça. Moïse pouvait voir la face de Dieu, mais Dieu veut, parce qu'il a placé son esprit en nous, il désire communiquer avec nous. Vous êtes là? Vous êtes sage? Il veut reconquérir, il désire retrouver ton cœur, reprendre le contrôle de ta vie. Et notre Dieu, comme je le disais tout à l'heure, c'est un vaillant héros. C'est un conquérant des cœurs brisés. Il aime. Ce n'est pas qu'il se réjouit, mais Dieu ne méprise pas celui qui a le cœur contrit. Bien au contraire, celui qui vient et qui a un cœur contrit, Dieu l'accueille, Dieu le reçoit et il le restaure. Amen. Et il veut restaurer ce matin. Il veut rétablir quelque chose avec toi. Il veut te reconduire. Tu t'es éloigné, peut-être, mais Jésus se présente à toi ce matin. Et il veut reprendre les choses en main. Toi, tu les as peut-être prises en main bien trop souvent, mais il veut changer cela. Il veut te donner une nouvelle direction. Il veut te donner un nouveau chemin, un nouveau départ. Il veut te reconduire. Pourquoi Dieu veut nous reconduire dans le désert? Pour avoir soif, et puis quoi encore? Pourquoi dans le désert? C'est parce que c'est là? C'est là qu'on apprend? On a soif, ouais. La solitude, ouais, on va y venir tout à l'heure, à la solitude. Ouais, ça fait partie, puis ça nous donne soif. Parce qu'on ne peut plus rien faire. C'est ça, exactement. C'est ce qu'il veut faire. Il veut nous reconduire au désert pour que nous soyons isolés avec lui. Dieu, et quand il nous isole, c'est sa protection qui est mise en place. Il désire nous prendre à part. Et ça, c'est un privilège. Vous savez, ce n'est pas une punition hein, quand Dieu nous conduit dans le désert. Hein. Mais c'est un privilège. Parce que c'est là, et il dit, je vais te conduire dans le désert, et là, je vais faire quoi? Là, je vais parler à ton cœur. Combien ont besoin que Dieu parle à leur cœur? Combien sont prêts à se laisser conduire dans le désert? Parce qu'on veut bien, ah moi je veux que Dieu me parle. Ok, come on, viens, je t'emmène, puis je vais t'emmener dans le désert. Puis là, puis on pleure. Combien ont pleuré dans le désert? On pleure dans le désert. Mais vous savez, et c'est là que se produit le miracle. C'est dans le lieu le plus aride que Dieu peut manifester sa gloire. C'est pas quand je suis au top, et puis c'est pas quand j'ai tout même que Dieu peut manifester son miracle. Vous savez, c'est quand je suis en situation où je n'ai plus rien que Dieu manifeste son miracle. Parce que si je suis en capacité de le faire, c'est plus Dieu qui le fait, mais c'est moi. Et Dieu n'est pas glorifié. C'est pour ça que quand on vit par la foi, je peux vous témoigner de certaines choses où avec Solange on a vécu, on a fait des pas de foi, on a quitté des choses, on a abandonné, on a vendu et on a tout donné. Puis je peux vous assurer que on le fait, et puis on le fait sur le moment, sur l'instant de la foi, mais juste après la foi, vous savez que des fois il y a une panique, hein, parce que là on est dans le désert. Parce qu'on leur dit, mais comment on va faire? Mais comment? On ne dit même plus comment on va faire, mais Dieu nous pousse à dire, mais comment tu vas faire? Et ça, c'est un état de dépendance. Dieu nous attire dans le désert pour que nous soyons dans un état de dépendance à lui. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis. En fait, tant que le moi vit en moi, Dieu ne peut rien faire. En tout cas, Dieu est limité. Ce n'est pas qu'il ne peut rien faire, mais il est limité. Et quand je dis, J'abandonne ma vie. Vous savez, on chante souvent. Je m'abandonne. On chante, hein, il est beau ce chant. Je m'abandonne. Hein? Mais est-ce qu'on est prêt vraiment à abandonner nos vies, et nos cœurs entre ses mains? Est-ce qu'on est prêt à tout lui donner, à tout lui laisser? Lui laisser nos schémas de pensée, comme je disais tout à l'heure, à lui laisser nos conceptions, à tout lui laisser. À lui dire, vas-y, prends le contrôle. Prends le contrôle. Vaut mieux que ce soit Dieu qui contrôle nos vies, hein, vous savez, que nous. Hein. Parce que moi, j'ai contrôlé ma vie pendant des années, et des murs, j'en ai pris. Mais quand je relâche, vous savez, on a l'impression que ça y est, on perd tout. Mais en fait, c'est quand je perds ma vie que je la gagne. Et au désert, on perd. Mais on gagne beaucoup. On gagne énormément. Et Dieu veut nous conduire au désert. Pourquoi faire? Pour nous retrouver. Il veut nous reconquérir et reconduire nos vies pour nous retrouver. Dieu est en train de déployer toute la puissance de sa grâce en une phrase en disant « Je vais, je vais, je vais, car je suis. » C'est lui qui le fait. Il veut reconquérir et reconduire pour retrouver. C'est l'histoire de ce fils prodigue. Hein. Vous connaissez cette histoire où le fils a demandé son héritage. « Allez, donne-moi tout, j'ai plus besoin de toi, père. Je m'en vais et puis je vais faire ma vie. » Et on est tous des fils et des filles prodigues ici, tous. Il n'y a pas un qui n'est pas un fils ou une fille prodigue ici. On a tous pris notre vie en main, puis on a tous fait notre chemin. Puis il y a un moment où on s'est retrouvé en bas, et puis on a crié à Dieu, et puis on est revenu. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Toujours, il cherche à nous reconquérir. Toujours, il cherche à nous retrouver. Toujours, il cherche à nous reséduire pour nous amener à nouveau dans sa présence. Dieu veut reconquérir son peuple en révélant son vrai visage. Dans le désert, loin du tumulte des vies modernes, Dieu peut révéler des choses nouvelles pour son peuple. Depuis la mer Rouge, où le peuple vivait dans l'esclavage, mais où il y avait d'abondantes richesses extérieures, ils vont se retrouver 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Vous savez, le désert, c'est un lieu d'épreuve, mais c'est aussi un lieu de victoire. C'est un lieu d'expérience de nos propres limites, et Dieu, parfois, nous conduit dans le désert pour que nous expérimentions nos propres limites, pour que nous puissions goûter à son illimité, parce que lui, il est illimité, hein? Amen. Lui, il a toutes les capacités. C'est un lieu où nous trouvons la providence, où on se laisse éduquer, où le Père nous éduque nos cœurs et où sa parole nous est adressée. Avant de goûter au lait et au miel, le Seigneur veut travailler nos cœurs dans son intimité. Nous, on voudrait tout de suite. Mais il y a un chemin, il y a une école. Et Dieu, parfois, permet ces écoles qui sont le désert. Le désert de Dieu, ce n'est pas un lieu de mirage, mais c'est la réalité de la manifestation nouvelle de sa présence. Amen. Et Dieu ne veut pas nous faire miroiter des choses. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans le désert, et je ne sais pas pour ceux qui ont lu des Tintins, moi j'aime bien Tintin, et notamment à un moment où, avec le capitaine Haddock, ils sont dans le désert, et puis même à un moment où le capitaine Haddock, il voit Tintin comme une bouteille, hein, je crois que c'est ça, hein, et il veut lui arracher la tête pour boire. mais avec Dieu, ce n'est pas un lieu de mirage, vous savez, ce n'est pas un mirage. Dieu n'est pas là juste pour nous dire « Ah, regarde, c'est beau, tu ne le toucheras jamais. Regarde la terre promise, tu n'y entreras jamais. » Non, non, non, non, non. Mais dans chaque désert et à chaque sortie de désert, il y a Canaan. Il y a notre Canaan. Et il faut accepter le désert. Il faut accepter ce passage parce que c'est un passage qui est tellement important pour les croyants. Parce que c'est là que Dieu éduque nos cœurs. C'est là qu'il veut nous conduire. Ah, c'est pas un message juste avec du entre guillemets des paroles positives, c'est juste la parole. C'est juste ce que Dieu dit, c'est juste ce que Dieu parle. Et parfois on peut être dans le mauvais désert, mais Dieu lui veut nous ramener dans son désert. Parce que dans son désert, il y a de l'espoir, il y a une issue de secours. Jésus, c'est le chemin. La Bible nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Et Dieu veut faire aussi une chose nouvelle dans la solitude. Une chose nouvelle dans la solitude. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. La vraie solitude, c'est quoi? C'est être sans Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils sont seuls, puis souvent, à chaque. C'est récurrent, mais les journaux, les télévisions parlent. Chaque année, on entend parler des personnes qui sont seules. Mais la vraie solitude, vous savez, il y a une vieille dame ou un monsieur peut être seul chez lui, seul d'apparence, mais s'il a Jésus, là, il n'est pas seul. La vraie solitude, c'est être sans Dieu. Il y a des gens qui sont mariés, il y a des gens qui sont en famille, qui ont des grandes familles, mais ils sont seuls. Ils vivent la solitude. Ils vivent des moments qui sont. Et nous, on en connaît, on suit plusieurs personnes. Avec Solange, hier, on a calculé le nombre de personnes qu'on suivait pastoralement, et on a combien? 45, 50 personnes. Quarantaine de personnes qu'on suit et qui ont toutes sortes de besoins, des personnes, même pour une qui est célèbre, qui est connue. Mais si vous connaissiez la vie des gens qui sont là et qui, d'apparence, ont tout, ils ont des maisons gigantesques, ils ont des belles voitures, ils ont tout, mais ils sont pauvres, ils ont rien, ils sont nus comme des vers et ils pleurent dans leur loge. Et ils pleurent. C'est terrible. C'est ça la solitude. Mais dans cette solitude-là, Dieu veut amener un fleuve. Dieu veut faire couler un fleuve dans cette solitude. Ésaïe fait référence ici à l'Exode pour encourager le peuple à ne pas s'attacher au passé. Et ça, c'est aussi ce que, malheureusement, l'être humain a. Oh là là, qu'est-ce que j'étais bien avant. Avant, j'avais tout. Avant, j'avais ci, j'avais ça. Et on pourrait même parler spirituellement. Ah, avant, dans cette église-là, on vivait ci, on vivait ça. Ou alors, on peut même être nostalgique de textes qu'on a pu lire. Oh là là, du temps de ces revivalistes, ils vivaient des miracles. Mais ça, c'est possible. Il faut arrêter de regretter comme le peuple d'Israël qui regrettait les oignons d'Égypte. C'est vrai qu'ils sont bons. Hein, moi, je les ai goûtés, ils sont très bons. Je comprends pourquoi il les aimait, hein, ces oignons. Vraiment de qualité. Mais Dieu désire nous emmener de l'avant. Et plus je reste bloqué dans mon passé, plus je reste attaché à mon passé, et moins je peux goûter au fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu, c'est quelque chose de nouveau, de frais, de rafraîchissant. Et Dieu nous propose une nage à contre-courant. On est appelé à nager à contre-courant. On n'est pas appelé à nager dans le courant de ce monde, on est appelé à nager à contre-courant. Et les propos que Dieu tient ici, en fait, quand il dit je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude, les propos que Dieu tient sont complètement renversés. Dieu veut renverser nos conceptions. Dans la solitude, normalement, c'est pas des fleuves. Mais la solitude, normalement, ça nous ferait plus penser à une eau stagnante, à un marigot, ou alors à des larmes que nous versons, nos désespoirs, nos déroutes, nos défaites. C'est ça, normalement, la solitude. Mais là, Dieu est en train de renverser, de dire non, non, dans la solitude, moi, je veux t'apporter l'abondance. Dans la solitude, je veux t'apporter la joie, je veux t'apporter la paix, je veux t'apporter toutes les choses que tu as besoin. Les fleuves nous parlent de l'étendue de sa présence face à l'étendue de notre souffrance. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est l'étendue de sa présence face à l'étendue de notre souffrance, de notre solitude. C'est l'indispensable élément de vie pour nous sortir de la mort. C'est un rafraîchissement, c'est un désaltérant pour notre aridité spirituelle. Parce que quand on est dans le désert, c'est aride. Et l'eau a besoin de couler. L'eau a besoin de venir. Et ça, c'est le miracle. Ça, c'est la conception de Dieu où il nous fait passer de l'improbable, de l'impossible, de l'incroyable au possible. Ça, c'est ce que Dieu veut faire ce matin. C'est une marque de l'onction divine qui nous guérit. De la même manière qu'au temps du prophète Élisée, il y a eu ce Naaman, ce général syrien lépreux, et qui a été miraculeusement guéri. Comment? Lui aussi, hein, il était dans son désert. Lui aussi, il était dans sa solitude. Vous savez, souvent, quand on est malade, il y a une solitude, il y a un isolement. Même parfois, on dit qu'on va le mettre en quarantaine. Chut, on est seul. Et cet homme-là était dans la solitude de la même manière que cette femme à la perte de sang. Elle avait une perte de sang, ça faisait des années que ça durait. Elle était littéralement coupée de la société. Elle n'avait même pas le droit d'aller puis de parler en société. C'était littéralement interdit, la loi l'interdisait, elle était impure, c'était une femme qui était impure, donc elle n'avait aucune possibilité pour avoir un lien social. Elle n'avait aucun lien, elle était seule, elle était dans sa solitude. Pourtant, ce qui a provoqué sa guérison, c'est quoi? Elle a brisé cette solitude en allant vers celui qui est la source d'eau vive. Et là, ça coule. Et là, la guérison vient. Quand on vient auprès de Dieu, il y a cette guérison, il y a ce déversement de son esprit qui vient sur nos vies. Après avoir recouvert les yeux d'un aveugle de naissance avec de la boue, Jésus va dire, il va l'envoyer où ça? Au réservoir de Siloé. Encore question d'eau. Dieu utilise beaucoup ces images-là. Et par cette parole, Dieu dit stop à l'isolement. Il le fait par une chose nouvelle, il le fait par une chose improbable. Regardez Apocalypse et on voit combien plus je suis connecté à Dieu et plus l'intensité de son fleuve va être fort dans nos vies. Apocalypse 22, 11, je ne sais pas si le texte y est. Non, il n'y est pas. Où il est dit, Apocalypse 22, 1, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. » C'est Jean qui parle. Il dit « Limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. La chose nouvelle que Dieu fait ne vient pas d'un homme, mais elle coule directement de son trône. Son fleuve vient pour faire quoi? Il vient pour guérir, il vient pour restaurer, il vient pour renouveler, il vient pour donner la vie et la vie d'en haut. Amen. Jérémie 33 dit « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Ce que Dieu fait, d'une manière petite, insignifiante. Quand Dieu fait les choses, et c'est son désir, c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous ici. Le désir de Dieu, c'est qu'il veut que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Amen. Dites abondance avec moi. Abondance. Encore une fois, abondance. Ça, c'est le cœur du Père. On n'est pas appelé à être des mendiants spirituels. Amen. Mais vous êtes des fils et des filles du royaume de Dieu. Et vous avez tout pleinement en lui. Tout. Il n'y a pas une chose qui vous manque. Même si là, actuellement, vous dites, si, moi, il me manque ci, il me manque ça, il me manque ça. Ouais. Mais spirituellement, il ne te manque rien du tout. Parce que si tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tout. Toutes les provisions divines, elles sont en lui. Toutes les provisions matérielles sont en lui. Toutes les provisions pour ta santé émotionnelle, physique, elles sont en lui. Amen. Tout est en lui. Tout. Et tout est accompli. Alors j'ai plus qu'à venir à lui et recevoir de sa part toutes les richesses, les bontés qui sont en lui. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Waouh ! Quelle puissance ! Le Saint-Esprit vient renouveler nos pensées, éclairer notre intelligence, inspirer nos décisions. C'est pourquoi, si je décide seul, alors j'en subis seul les conséquences. Je vais essayer d'aller très, très, très, très, très, très vite. Une chose nouvelle, ce que Dieu veut faire, c'est une chose nouvelle au quotidien. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le désir de Dieu, c'est de nous parler, et il nous parle, mais c'est que nous entendions sa voix à chaque moment, chaque jour, chaque instant. La connexion, elle dépend de nous. Elle ne dépend pas de lui, hein, parce que lui, il est toujours open. Je suis là, il l'a dit, Matthieu 28, il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, je suis là. » Mais c'est nous. Et Dieu attend un déplacement de notre part. Dieu attend quelque chose, un geste, une parole, des larmes même parfois. Parce que les larmes sont aussi des prières que Dieu reçoit. Et Exode 16 nous dit, Exode 16, versets 2 à 4, « Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande? » Vous voyez, hein, ils sont en train de se rappeler les marmites de viande. « Quand nous mangions du pain à satiété. car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Waouh. Là, vous avez là les premiers syndicalistes de l'histoire. Les premiers syndicalistes de l'humanité sont là. Et ils vont se mettre à parler contre les serviteurs de Dieu. Mais en fait, c'est bien plus contre les serviteurs de Dieu qu'ils parlent. C'est contre Dieu lui-même. Ils sont en train de parler contre Dieu. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait en Égypte. Et une des pires choses qui peut arriver aux croyants, c'est de penser que tout est acquis et que nous en sommes rassasiés. J'ai tout. Tout va bien, tout est ok. Puis je m'assieds sur mon laurier spirituel. Et puis je jouis de tout ce que j'ai pu avoir. Mais ça, c'est un des pires dangers, ça. C'est exactement ce que la parabole des vierges folles nous enseigne. Ah, elles ont de l'huile, et puis à un moment, donnez-nous de l'huile, on peut vous en acheter. Non, non, non, c'est fini. Et je crois que les temps dans lesquels on vit, il faut quotidiennement. Hein, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est aujourd'hui. Moi, je veux pas du pain d'hier. Hein. Alors, en plus, même humainement, vous savez, c'est un truc, j'ai horreur. Hein. Moi, si j'ai pas du pain frais tous les jours, il faut mon pain frais, selon j'ai fait. Oui, c'est ça. Comment ça, il n'y a pas de pain? Je suis capable d'en faire, là, il me faut du pain. Et que vraiment nous ayons cette faim de Dieu chaque jour. Du pain frais, pas du pain d'il y a un an. Là, c'est terrible, ça. Hein. Après, si on peut faire aujourd'hui des plats, là, des comment? Du pain perdu. Non, non, mais moi, tout ce qui est perdu, c'est pas bon. Moi, je veux le pain de ce jour. Et quand Dieu nous enlève une chose, c'est pour notre bien. Toujours. Dieu est ma solution pour chaque jour. Chaque jour, Dieu est ma solution. Et je veux continuer dans... Je veux relire Exode. Je crois que je me suis trompé de texte. Mais Exode 16:4, il dit « L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. » C'est ça. « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. » Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et verrai s'il marche ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura deux fois plus que ce qu'ils récoltent chaque jour. Wow. Déjà, dans l'Ancien Testament, la marque de Christ, la marque de la multiplication divine, la marque de l'abondance de Dieu était là. Alors ce matin, c'est une invitation juste à venir avec ce que tu as, avec qui tu es, avec tes 5 pains, tes 2 poissons. C'est juste lui les apporter et puis dire, vas-y, Seigneur, multiplie. Fais-le, c'est lui qui va le faire. Dieu est un Dieu de multiplication. Je viens avec ma misère spirituelle ce matin, je viens avec mon désert, je viens avec, Seigneur, j'entends plus ta voix, je comprends pas ce qui se passe, mais je viens et je te le donne ça. Dieu veut que tu lui donnes simplement ce matin tout ce que tu as ou tout ce que tu n'as pas. Les choses que tu n'as pas, donne-les-lui. Et lui va faire son miracle. C'est là qu'il va manifester son miracle. Le soir de la viande, des cailles. Vous imaginez ça? Même pas besoin de cuisiner. Ils avaient un cuistot divin. Ça tombait du ciel. Ils avaient juste à prendre et manger. Et souvent, nous, on veut faire notre petite tambouille là. On veut faire notre petit plat. Mais non, non, non. Il est le pain de vie. C'est lui. Et lui, chaque jour en nous, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit veut œuvrer à nos côtés chaque jour, il veut rassasier notre âme, il veut la saturer de sa présence pour que les choses anciennes perdent leur intérêt et que ce qu'il nous apporte soit mis en avant dans nos vies. Alors je voudrais juste... Ah, c'est toi, je disais, waouh, je disais, ça y est, j'entends la musique qui vient du ciel. Waouh! Il manque plus que les anges. Mais je voudrais qu'on puisse venir dans ce moment, dans sa présence, avec notre solitude, avec le désert par lequel nous sommes en train de passer, peut-être l'un ou l'autre, peut-être plusieurs, sont comme se sentent secs, se sentent vides, vidés de. Sentent comme coupés de la connexion avec Dieu. Ils sentent même plus le goût de prier. puis quand vous allez dans la prière, vous avez l'impression que votre prière dépasse même pas le plafond. Puis c'est dur, c'est dur, vous avez du mal. Puis vous criez à lui. Mais Dieu entend. Dieu est là. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble et puis simplement rester, prendre juste un temps de silence? Si on peut vraiment avoir ce temps de silence, puis d'introspection, d'entrer en nous-mêmes, et puis de regarder, puis de laisser simplement le Saint-Esprit déposer, ou parler à notre cœur, le laisser murmurer. Vous savez, Dieu ne travaille pas toujours dans des grands bruits, dans des fracas. Parfois, c'est juste un souffle léger, c'est juste une parole douce, un vent léger qui vient, et comme une petite brise qui vient, et ça c'est l'action du Saint-Esprit. Jeune au plus vieux, fais ton œuvre, Saint-Esprit agit chez les enfants, chez les ados, chez les plus vieux, les seniors. Seigneur, œuvre avec tout ton amour, Seigneur, qu'une parole fraîche soit maintenant déposée, un réma, une révélation du cœur du Père pour chacun. Je prie, Seigneur, pour que premier amour soit retrouvé, que le désir plus ardent de prier soit retrouvé, le désir de lire sa parole soit retrouvé, le désir de connecter à nouveau avec Dieu soit retrouvé. Seigneur, fais une chose nouvelle. Fais une chose nouvelle maintenant dans les cœurs. Seigneur, on ne veut pas se satisfaire de la médiocrité. On ne veut pas être satisfait d'expériences, Seigneur, que nous avons pu vivre il y a un mois ou même 3 jours en arrière. Mais on réclame, Seigneur, ce pain quotidien, chaque jour. Chaque jour, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-le à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin maintenant, Seigneur, de toi dans cette situation. Nomme cette situation, dis-le, proclame-le. Proclame-le ce matin, n'aie pas honte, mais proclame afin que l'Éternel l'entende, afin aussi que l'ennemi l'entende. Et combien c'est important de proclamer aussi avec notre bouche et à haute voix. Pourquoi ? Parce que Dieu l'entend. Si je parle en moi-même, oui, Dieu l'entend. L'ennemi ne l'entend pas. Parfois, il y a des positions à prendre et à avoir simplement en déclarant de notre bouche. Soit audible, que le monde spirituel l'entende, que les démons l'entendent. Parce que quand les démons entendent la voix du croyant convaincu, ils tremblent, l'enfer tremble. Il se passe des choses, il se produit des choses, ça provoque des choses. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et je voudrais qu'on puisse prendre un temps de prière et avant de se séparer. Pour ceux qui ont besoin d'une chose nouvelle, d'un renouveau dans leur vie, pour ceux qui ont besoin d'un miracle, ceux qui ont besoin d'un changement de situation, que ce soit familial, que ce soit financier, social, peu importe, ceux qui sont dans le besoin. On veut vraiment prier, on veut vraiment prendre du temps avec l'équipe, avec Déborah qui est là, avec Solange, avec Naomi, avec Nicolas. On veut prendre du temps pour vous, parce que c'est important. On veut prier, on veut proclamer des paroles de bénédiction, on veut proclamer la vie là où il y a la mort, on veut proclamer la prospérité et l'abondance là où il y a la sécheresse. Et ça, on veut le déclarer de nos bouches sur vos vies. Et on sait que ça a un impact. Alors simplement, ceux qui ont besoin, vous pouvez venir sur le devant ou sur le côté. Tous ceux qui ont besoin, approchez-vous, puis on va prier pour vous, on va prier ensemble pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin? Approchez-vous, alors on va prier. Alléluia. Ô Saint-Esprit, agis.